Merci, madame, bonsoir. Alors, bien sûr, on a laissé un petit peu 10 minutes de courtoisie pour que vous puissiez vous installer. Et ce café des sciences va pouvoir commencer sans plus tarder. Je vous invite donc à admirer avec nous la nouvelle configuration de notre bien-aimé café de la gare, qui a beaucoup changé courant d'année. Donc ce soir, c'est encore une fois Anthony, discrètement, qui nous réserve cet accueil. Le gérant du café de la gare, notre partenaire. Et vous avez pu voir que, pour ceux qui n'étaient pas revenus récemment, ça a beaucoup évolué. Comme cet établissement est bien sûr un établissement autorisé à ouvrir sous conditions de restauration, je vous ai indiqué pour la plupart qu'avant 19h, les choses restent libres pour tous. Mais pour ceux qui souhaiteront profiter pleinement de cet échange et prolonger l'échange après 19h, il vous est demandé de consommer ne serait-ce qu'une assiette de tapas à table, qui permettra ensuite d'avoir des tickets permettant de quitter ces lieux plus tard. Donc merci au Café de la Gare de nous accueillir dans ce monde d'après. Merci à tous d'être là pour discuter ce soir de patrimoine. Alors je vous demanderai de pas être furax, hein, il y a une référence, hein, je vous demanderai si vous ne l'avez pas. On va placer la soirée sous le signe de Zorro. Enfin, il y a quelque chose d'énigmatique dans cette signature AZ, qui est le titre donné par M. Christensart à cette présentation. Sur 200 ans d'histoire, d'aménagement urbain, de croisement de raison du Cayenne d'aujourd'hui. Est-ce que je ne dénature pas le propos? Pas de spoiling? Donc, pour ceux qui savent déjà, on va essayer de garder le suspense, mais signé AZ, ça vous parle à tous? Vous avez déjà vu cette signature sur les murs de Cayenne, sur des éléments palpables de notre paysage urbain? Étonnant. En tout cas, le totem, vous pouvez repartir avec un petit flyer qui se trouve sur votre table, vous invite à venir au quartier de Médan, un quartier vibrant au cœur de Cayenne, à côté de Zila. Ah, c'est peut-être un indice. Même Gila d'ailleurs, c'est ça. Mirza, Labri, Témir, Anatole, ce sont ces mots qui font en fait la zone actuellement. Vous voyez des tours en train d'être désamiantées, les premiers HLM de Cayenne, les Foralies. En tout cas, vers les pompiers, vers EDF. Et toute cette zone, qui est en fait un résultat urbain actuel d'une très longue évolution qui prend ses racines il y a peut-être 200 ans, ben on va remonter dans le temps parce que c'est là que la Canopée des Sciences a ouvert un musée numérique où on vous invite en famille, on vous invite avec vos élèves, on vous invite en tant que citoyen à franchir ses portes pour y venir à la rencontre de la culture scientifique. Je serai accueilli entre autres par mon collègue Tony Alvarello, qui est chef de projet à la Canopée des Sciences, Bernard Singer, qui est graphiste, notre vice-président discrète dans un coin, nous honore de sa présence. Notre président lui aussi se cache quelque part, vous les connaîtrez si vous voulez chercher. Et sans plus tarder, M. Christensart, directeur musée et patrimoine de la collectivité territoriale, est historien de cœur, est passionné de cette ville et de ce territoire. Et je crois qu'il va laisser une part de suspense sur la période la plus contemporaine. Et à la fin de ce Café des Sciences, on vous proposera pour les plus intrigués de venir au quartier de Médan pour avoir la fin de l'histoire la plus récente. Ah oui, c'est vilain. Hein. Mais maintenant, on a décidé qu'on allait faire des séries. Donc il y a en fait une microfolie au totem. Je vous invite à regarder ça, à venir la découvrir. Et on entend y créer des rendez-vous. Et voici donc mon collègue, lui aussi discret, avec cette chemise blanche, qui coordonne ce processus. Personne n'a été épargné. Moi, je ne le présenterai pas, pour ceux qui me connaissent, c'est bien, mais les nouveaux visages, c'est cette équipe qui fait le quotidien et vous les rencontrerez très souvent si vous vous abonnez à nos listes de diffusion et à nos rendez-vous. Sans plus tarder, il y avait une petite tradition à Café des Sciences. Christophe, ça. À la pointe de l'été. Non, ça vient. Il faut que c'est terminé. Non, normalement, il faut que ça finisse pas bien. Je ne peux pas. Et le problème de travail, mais c'est mieux que bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour la présentation que je vais faire ce soir, donc qui effectivement porte un titre un petit peu accrocheur signé AZ de l'habitation du roi à la cité Médan. Alors comment nous en sommes arrivés, moi-même et Olivier Marnette, qui m'a précédé au micro, à cette proposition ce soir. C'est à l'occasion de l'inauguration du Topen, donc à la cité Médan, donc la partie dure de la canopée des sciences, une inauguration qui s'est déroulée le 13 novembre dernier. Donc on a discuté de choses et d'autres, comme on le fait d'habitude, et puis à un moment donné dans la conversation, il m'a mentionné les machines qui se trouvent boulevard de la République, un petit peu en face des pompiers, donc machines à vapeur, machines métalliques, qui se retrouvent posées un espace enherbé. Et il m'a demandé voilà, qu'est-ce que venaient faire ces machines à cet endroit-là. Et donc je lui ai répondu du tac au tac, bah, c'est l'ancienne usine dont on va découvrir un petit peu l'histoire. Et donc du coup, voilà, on était dans l'effervescence de l'inauguration et on s'est dit, bah, voilà, pourquoi pas proposer un petit propos en début d'année 2021 sur ce sujet, comment on est arrivé à la cité Médan. Donc effectivement, je ne vais pas parler de la cité Médan, en tout cas de ce secteur de la banlieue sud-est de Cayenne, ce soir dans sa partie contemporaine. Donc moi je m'arrêterai à peu près aux années 50, et donc des années 50, 60 jusqu'à aujourd'hui, si je puis dire, c'est vous qui allez faire qui allez raconter l'histoire. En tout cas, voilà, je vous propose en fin de parcours d'échanger là-dessus, ou à d'autres occasions, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on en est arrivé là, à ces quartiers populaires, hérissés aujourd'hui de pavillons individuels ou de logements sociaux, sous forme de tours, de bars, etc. Je vais essayer de revenir un petit peu sur les différents noms que vous connaissez tous, que l'on voit inscrits sur les cartes, sur les plans, sur des noms de rues. Donc Enzila, Faubourg Labri, Mango, Mirza, Magie, etc. Tous ces noms-là qui se trouvent dans ce secteur-là, ben, ils révèlent une histoire. Alors, pour expliquer un petit peu la méthode de travail que j'ai utilisée pour parvenir à cette présentation ce soir, j'ai fait un certain nombre de connexions entre différents types de documents que j'ai pu parcourir, dépouiller depuis un certain nombre d'années. Donc à la fois des documents, mais aussi des éléments que l'on retrouve sur le terrain. Et puis, voilà, en discutant, en y réfléchissant, finalement, voilà, de très nombreuses connexions se sont faites, mais ce sont à chaque fois des portes, des fenêtres qui sont entrouvertes, parfois très légèrement entrouvertes, et qui méritent, ce sont autant de lignes qui méritent d'être empruntées pour aller davantage dans le fond, le tréfonds de l'histoire de ce quartier. La présentation, en tout cas visuelle, sera essentiellement cartographique, mais il faut savoir que derrière, vous avez des histoires humaines, de femmes, d'hommes, d'horizons extrêmement différents et qui se sont retrouvés liés à une même histoire, sans forcément le vouloir. Donc je suis, comme le disait Olivier Marmotte, directeur musée patrimoine à la collectivité territoriale de Guyane, et je dirige notamment un service qui remplit les missions d'inventaire général du patrimoine culturel. Donc l'inventaire général, c'est une mission qui incombe aux régions et donc à la collectivité territoriale en Guyane, et qui consiste à recenser, étudier et faire connaître le patrimoine du territoire. C'est ce qui est inscrit dans la loi, alors c'est une vaste mission, mais que l'on décline en fait par des programmes de recherche ciblés, soit au niveau de communes, soit au niveau de thématiques en général. Et là, en fait, le fruit, donc je n'ai pas fait de recherche en particulier sur la cité Médan, mais en fait c'est le fruit de différentes recherches préalables que j'ai croisées. Donc une recherche concernant les édifices publics de Cayenne, une autre concernant l'architecture moderniste des années 50, une autre encore concernant les briqueteries de Guyane, Une autre concernant les distilleries de sucre et de rhum en Guyane, les distilleries de bois de rose, etc. Donc c'est toutes ces recherches plus ou moins avancées que j'ai croisées et qui ont permis de faire émerger un certain nombre d'éléments. Alors, vous avez bien en tête, j'espère, la cité Médan, en tout cas tout la banlieue sud de Est de Cayenne. Et vous avez en tête évidemment cette densité de bâtiments, de maisons, de logements sociaux. Alors, c'est allé un peu vite. Donc voilà Cayenne, pour replacer un peu les choses, en 1733. Donc on a fait deux siècles et demi, presque trois siècles, à rebours. Le bourg de Cayenne, très modeste bourg, hein, il faut le dire, c'est un petit hameau accroché autour du fort Sépérou. Et autour, eh ben, il ne s'y passe pas grand-chose. Hein. Des marécages, des terrains un petit peu cultivés. Mais voilà, ça c'est un des premiers plans directeurs, on appellerait ça comme ça aujourd'hui, de Cayenne en 1733. Et il est le fruit d'un ingénieur qui s'appelle François Fresneau. Fresneau, c'est celui qui a fait découvrir à la France un certain nombre de choses, dont le caoutchouc. Voilà, bon, il a eu une carrière assez riche. Mais en tout cas, voilà, il a œuvré en Guyane pendant quelques années, dans les années 1730, 1740, et il a réalisé ce plan. Donc pour point de référence, vous avez ici l'ancien palais des Jésuites, donc l'ancienne préfecture qui est ici. Voilà, donc imaginez, voilà, donc il n'y a pas de place des palmistes, le reste de la ville à l'est et au sud n'existe pas encore à cette époque-là. François Fresneau a une ambition personnelle, c'est de développer des salines en Guyane. Donc ça lui, je ne sais pas comment ça lui est venu, mais en tout cas, voilà, un jour il se réveille, il dit je vais aménager des salines, et il propose de les aménager donc au sud de Cayenne, donc ce qui correspondrait aujourd'hui un peu entre la place du marché et puis le village chinois. Et voilà. Ça, on est dans le début des années 1740, sauf qu'il ne se passe rien. Par contre, il a demandé une concession, donc administrativement, voilà, tout ça doit être régularisé. Et voilà, quelques décennies plus tard, on se rappelle qu'il a déposé une demande de concession développer des salines. Et donc, un plan est rédigé, est dessiné. Et on essaye d'y replacer un petit peu les éléments que l'on connaît à ce moment-là, donc on est déjà dans les années 1780 et on essaie déjà de se rappeler 40 ans avant ce qui s'est passé au niveau de Cayenne. Déjà, c'est déjà compliqué, donc imaginez deux siècles plus tard. On a une très mauvaise connaissance du Cayenne du XVIIIe siècle, très peu de cartographie, très peu d'éléments qui permettent de détailler un peu ce que vous avez ici, les ensembles donc, qui appartiennent à un certain Villiers, un certain Capron. Le projet, un certain débar. Vous avez un toponyme qui s'appelle Savane-Poncet. Vous avez par contre un autre toponyme qui est bien resté, qui s'appelle Olisette. Et vous voyez Olisette, le nom de cette petite condo, qui a donné son nom aussi à un quartier, voilà, est très ancien. Par contre, voilà, il se perd un petit peu dans la nuit des temps, comme un peu tous ces noms de lieux. Par contre, vous pouvez constater que, en dehors du petit fort qui entoure le Mont Sépérou, et ben tout le reste, voilà, ce sont des terrains assez ennoyés et où il ne se passe pas grand-chose. Voilà. 20 ans plus tard, donc après François Fresneau, nous sommes en 1763-1765. C'est un moment important pour l'histoire de Cayenne. Nous sommes à l'époque du gouverneur Turgot, ce sont les années de la fameuse expédition de Kourou. Donc à ce moment-là, la métropole souhaite envoyer au final à peu près environ 10 000 personnes, une tentative de ce qu'on appelle de colonisation blanche de la Guyane, qui va se solder par un échec humain catastrophique. Mais l'avantage, c'est qu'il y a eu un renfort de l'administration, et dans l'administration, il y a des ingénieurs, des comptables, il y a aussi des peintres, des dessinateurs, et donc notamment celui-ci qui a réalisé ce tableau et qui donne une vision du petit bourg de Cayenne, donc avec l'ancienne église, la colline de Montabeau ici, et puis le dessinateur est placé au niveau du palais des Jésuites. Donc ça, c'est la place Léopold-Véder actuellement, mais c'est pour vous donner une idée un peu de ce petit, de ce microcosme de qu'est Cayenne et qu'est la colonie de la Guyane française à l'époque. Donc, par contre, au-delà de l'anecdote et puis de l'intérêt esthétique pictural de ce tableau, ce qui est à retenir, c'est qu'à l'époque du gouverneur Turgot, outre la fameuse expédition de Kourou, il y a surtout pour Cayenne, c'est ça le plus important à retenir, une volonté d'extension de la ville, du petit bourg. Et c'est à ce moment-là que le gouverneur demande aux ingénieurs de développer l'urbanisation sur la partie est. C'est ce qui va donner ce genre de plan. Donc la partie est ici qui se développe selon un ordonnancement beaucoup plus rectiligne, alors que les ruelles du bourg primitif sont assez tortueuses. Là, on est sur un carroyage orthonormé, avec en plus dans l'axe des vents, avec des îlots qui sont créés et une parcellisation de ces îlots qui sont après destinés à être lotis par différents particuliers, différents habitants. C'est l'extension vers l'est pour l'instant et qui va s'arrêter à, disons, deux, trois ensembles, mais pas plus. Par contre, ce que l'on commence à deviner, ce sont un certain nombre d'équipements publics, donc la partie hôpital, donc le futur hôpital Jean Martial, le cimetière. Le premier cimetière était au niveau de l'église primitive, donc dans les murs, un petit peu de la CCIG. Mais avant de connaître le cimetière que l'on connaît actuellement de centre-ville, le cimetière se trouvait là. Peu de temps, mais il a été quand même ici. Et puis vous avez aussi, ça c'est le plus important, en tout cas pour ce soir, c'est la briqueterie de Royal, la briqueterie d'habitation du roi. Donc vous avez un axe ici qui se dessine, qui est la future avenue du général de Gaulle, qui se dessine petit à petit et qui va être une des épines dorsales de l'urbanisation de Cayenne. Alors, autre plan quasiment de la même année. Donc là, c'est un projet d'extension des fortifications qui n'a jamais été réalisé, on le saurait. Donc avec quelque chose de vraiment qui ressemble vraiment à une place forte à la Vauban. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est surtout le plus important à considérer, c'est cette partie-là, où on voit effectivement l'extension. Donc là, la partie urbaine lotie n'apparaît pas. Par contre, il y a un projet d'axe central. Donc ça, c'est la future avenue Général de Gaulle, avenue d'Estrée. L'habitation du roi, la briqueterie que je citais à l'instant. Et vous avez ici toute cette partie-là qui sont des savanes noyées. Il faut se méfier beaucoup des plans. Sont souvent très, très sympathiques à regarder, ils apportent beaucoup d'informations, mais on porte sur les plans ce qu'on veut bien porter, et souvent il y a des éléments qui relèvent du projet et pas de la réalité, il y a des éléments qui relèvent de la réalité mais pas du projet, et parfois il y a aussi des erreurs. Donc il faut arriver à, vous voyez les deux plans, que celui-ci et le précédent sont de la même année, mais ils sont déjà très différents l'un de l'autre. Voilà en détail donc la briqueterie et puis l'habitation du roi qui pour l'instant est assez modeste. Alors l'habitation du roi, en fait, c'est une habitation qui a été fondée par un des administrateurs de la colonie. Ils avaient interdiction d'avoir leurs propres habitations pour éviter d'être juge et parti, mais force est de constater que la plupart des administrateurs de cette époque en Guyane avaient leur propre habitation. celle-ci en tout cas a été rachetée pour le compte de la colonie et a permis d'y établir un atelier d'esclaves relevant du domaine royal pour réaliser un certain nombre de travaux, notamment des travaux de force, d'entretien du bourg, de construction de différentes infrastructures publiques. Ce qui est intéressant aussi, ce sont un petit peu toute la voie riche, les chemins anciens qui pour certains ont disparu et d'autres qui sont restés. Une des plus belles cartes de la Guyane, la carte de l'île de Caen et ses environs de l'ingénieur de Saint-Gilles. Donc elle date de 1771, mais la plupart des travaux topographiques ont été réalisés dans les années 1764-65. Donc du temps du gouverneur Turgot. Et là, alors la carte, elle est beaucoup plus grande, elle fait presque 2 mètres en réel sur à peu près 1,50 m. C'est un monument de la cartographie guyanaise. Et cette carte permet de voir vraiment, alors l'avantage de Saint-Gilles, c'est qu'il a réellement été sur le terrain. Avec son fameux esclave qui s'appelait Timoléon, ils ont parcouru de nombreux hectares en Guyane, et ils ont cartographié pas mal de zones, dont l'île de Cayenne. Et sur cette donc extrait de cette carte, vous avez donc à nouveau le fort, la partie donc de la banlieue est. Donc aujourd'hui, c'est donc vous avez la place des Palmistes ici, la rue François Arago, etc. Et puis vous avez l'axe comme ça qui va sur la briqueterie et puis l'habitation du roi. L'intérêt de cette carte, c'est qu'elle permet de constater qu'au sud, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Par contre, sur les bordures, vous avez, voilà, sous ces numéros-là, ce sont des habitations, donc des établissements agricoles, soit élevage, soit bon, petites habitations de culture, établissements de culture. Et donc tout autour avec les anciens chemins qui permettent d'arriver donc sur Matoury, sur la montagne des Tigres. Donc là nous sommes dans les années 1770. Voilà en détail un petit peu plus, de façon un petit peu plus précise. Vous avez toujours le cimetière, l'ancien cimetière, quoi, le deuxième, voilà, avant qu'il ne soit reporté du côté du boulevard Jubelin. Et vous voyez que l'habitation du roi a considérablement évolué avec les bâtiments principaux et les cases des esclaves que l'on devine ici. On commence à percevoir une structuration avec des axes, voilà, en droite ligne. Alors, deux documents qui sont tout à fait exceptionnels, qui sont des aquarelles des années 1800, mais qui vous permettent de vous rendre compte un peu, en clin d'œil au tableau que vous avez vu tout à l'heure de l'époque de Turgot, c'est le Caen des années, voilà, 1800-1805. Là, c'est vu depuis, en bas, c'est vu depuis le fort Sépérou, le bas du fort Sépérou avec la rade. Et en haut, ce qui nous intéresse peut-être plus ce soir, c'est vu du point de vue du canal Sartine, l'ancêtre du canal Lossa. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez déjà un système d'endiguement, et donc cette volonté de gagner les terres sur les terres basses, les terres noyées, avec un certain nombre de personnages, donc certains pêchants, récoltant peut-être des craves, et puis d'autres étant au bord de plantations de cotonniers. Donc là, cette partie-là, donc qui est au premier plan, c'est le début de l'habitation, les îlets Malouins, qui a appartenu à un certain Leblon, quartier Leblon, etc. Voilà, ce sont des noms qui sont restés encore aujourd'hui. Mais à l'époque, évidemment, ça présente un visage tout autre. Alors, un des personnages importants dans cette histoire de l'évolution de l'urbanisme cayennais, c'est Jean-Samuel Guisan. Donc c'est un ingénieur d'origine suisse qui a été débauché du Suriname et qui va montrer aux colons guyanais comment on peut aménager, développer les terres basses. Jusqu'en 1777, nous avons une occupation essentiellement des terres hautes et Voilà, les administrateurs voient bien que du côté du Suriname, eh ben, il y a une production beaucoup plus économique, beaucoup plus intense, un nombre d'esclaves beaucoup plus important, beaucoup de denrées qui sont exportées, et puis du côté de la Guyane, ben, une démographie très faible, et puis des habitants qui sont accrochés à leur petite colline, à leur morne, et il n'y a pas de développement des terres basses. Pour autant, voilà, 10 ans, dès qu'il arrive en Guyane, en 1777, et pendant 15 ans, eh ben, il va démontrer, en pratiquant donc, le dessèchement des terres basses donc, au sud du centre-ville de Cayenne, donc dans le futur quartier chinois, et puis surtout en créant ex nihilo le quartier d'Aprouague, avec toutes ces habitations sur lesquelles il y aura après des machines à vapeur, etc. L'intérêt de Bizan, c'est qu'il a produit beaucoup de textes et de cartes. Et cette carte est extrêmement importante parce qu'elle représente la réalité de l'époque, donc en 1783. Donc là, j'ai sélectionné sur cette carte uniquement la partie qui correspond à la cité Médan, donc quartier sud-est de Cayenne. Vous avez, donc à l'époque, il n'y a pas encore le canal d'Ossa, vous avez le canal Sartine, la fin de la partie urbanisée lotie de Cayenne, le boulevard Julin qui se situe à peu près à ce niveau-là, l'habitation du roi, voilà, et puis vous avez tout un système savant de chemins, de digues, de fossés qui sont les prémices du dessèchement de toute cette partie-là de Cayenne, sachant que l'autre partie, donc qui correspond au quartier chinois, lui est déjà bien aménagé et reçoit donc un certain nombre de plantations déjà à cette époque-là. Donc vous avez des parties qui sont, disons, un petit peu plus hautes, qui, voilà, délimitées ici un petit peu en vert, et puis des parties vraiment noyées, donc savane crabe, savane poncet. Voilà un petit détail sur l'habitation du roi qui vous montre un petit peu l'aménagement avec l'axe fort ici qui est donc l'avenue d'Estrée aujourd'hui qui arrive voilà, avec le rond-point du camp Saint-Denis qui se trouve a priori à peu près par là. Voilà un petit détail qui vous montre aussi les types de plantations qui sont déjà pratiquées en 1783. Donc tous ces travaux-là, ainsi que les cultures, ce sont les esclaves de l'atelier de l'habitation du roi qui les ont réalisés. Donc vous avez du manioc, essentiellement du manioc, du tabac. L'habitation du roi, elle est destinée à produire des vifs pour pouvoir nourrir les esclaves de l'atelier. Une carte de 1784, beaucoup plus sobre, qui vous montre la partie haute du centre-ville, avec toujours notre petite briqueterie, et puis l'axe central qui mène à l'habitation du roi. Ce qui est intéressant, voilà, c'est cette partie qui montre voilà, les premiers dessèchements, l'endiguement, qui permet petit à petit de gagner du terrain aménagé pour la ville. Et puis notre savane poncet que l'on retrouve ici. Une très belle carte aussi des années 1780-90 qui voilà, vous montre de façon plus, avec un peu plus de distance, la ville de Cayenne. Toujours le petit centre primitif, le bourg primitif, l'extension vers l'est, l'axe central qui mène à l'habitation du roi. Toute cette partie-là, pour l'instant, voilà, qui est laissée en friche avec savane. Et puis cette partie-là qui commence à se développer, donc qui aujourd'hui correspond à la route de Baduel. Et puis avec des terrains qui sont alloués à des privés. Voilà, et qui vont petit à petit constituer l'urbanisme de la première moitié du 19e siècle. Autre carte, voilà, des années 1790. Pareil, qui montre un petit peu le même, qui est à peu près la même, même échelle, et qui vous montre toujours voilà, le dessèchement, qui peut, bah, le futur quartier chinois, l'axe central, l'habitation du roi, le développement du côté de ce qui va devenir le secteur de Baduel, et puis toutes ces zones-là, qui pour l'instant est laissée de côté. On passe un petit peu dans le temps. Nous sommes dans les années 1820. Là, il va y avoir un acte de création majeur pour l'urbanisme cayennais, c'est le creusement du canal Lossa. Nous sommes en 2021, et donc ça fait deux siècles, je ne vais pas dire jour pour jour, mais presque, que le canal Lossa a été creusé par des corvées d'esclaves du domaine royal. Ce canal, donc, que l'on voit ici, repique vers le nord au niveau du boulevard Jublin. Là, nous sommes dans les années 1825. Donc, c'est le tracé du canal Lossa de l'époque. Le canal Sartine, qui était l'ancêtre du canal Lossa, donc se trouve ici. Il a été en partie comblé. Vous avez la place du marché, le marché aujourd'hui qui se trouve ici. Et ce canal Lossa va provoquer une petite révolution dans l'urbanisme cayennais, puisqu'il va permettre à la ville de s'étendre. ...1834... à l'époque du gouverneur Jublin, celui qui a laissé son nom au boulevard. Cette carte permet de voir la partie privée et la partie publique du foncier. Donc vous avez le canal Lossa qui arrive ici, qui repique sur le boulevard, qui va devenir le boulevard Jublin. Vous avez le cimetière, qui trouve sa place définitive donc dans les années 1820. Vous avez le Pont Saint-Denis, aussi, qui est créé dans les années 1820. Les années 1820 sont très importantes pour l'histoire de la ville de Cayenne. Vous avez la ville qui s'étend de plus en plus vers l'est, jusqu'à ce petit point, ce rétrécissement qui correspond au pont de la crique Montabeau. Et donc, voilà, le secteur qui nous intéresse, c'est celui-ci. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien. En tout cas, il fait partie d'un ensemble très important qui est délimité par ce liseré un petit peu verdâtre et qui correspond donc au domaine dans lequel il y a un espace qui n'est absolument pas pour l'instant aménagé. Et puis, vous avez, par contre, cette fourche, donc la route de Montabeau et la route de Baduel, qui mène à l'immense domaine de l'habitation Baduel. Donc ça, c'est un ensemble, voilà, qui va être travaillé au fur et à mesure, donc des années, donc à partir des années 1820, jusque dans les années 1870. Un autre point de vue, donc nous sommes dans les années 1840, donc la ville, voilà, qui s'est étendue, un damier. Bon, ça, c'est un damier un petit peu théorique, hein, faut pas imaginer des maisons absolument partout, mais en tout cas, voilà, on a une emprise quand même de l'urbanisation, de l'architecture. Le canal Lossa, qui là, n'a plus sa bifurcation sur le boulevard Jublin, puisqu'à partir de 1835, il y a les travaux de prolongement du canal, avec le creusement de ce point d'interrogation qui permet de rejoindre le réseau de la crique Montabeau, qui lui-même est en partie canalisé. C'est ce qui va donner ces aspects un petit peu rectilignes, puisqu'en fait, la crique de Montabeau, bon, c'est un ensemble de petits cours d'eau qui naissent de trous, donc il n'y a pas forcément je caricature un petit peu, d'entrée ou de sortie, mais en tout cas, les ingénieurs vont profiter de faire passer le lit du canal dans les endroits les plus bas. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs cette forme un peu bizarre. On se demande pourquoi ils n'ont pas prolongé tout droit. C'est parce que les terres sont plus hautes. Donc ils utilisent les terres les plus basses pour pouvoir les drainer, les assécher. Et ça permet de rejoindre, voilà, donc la crique de Montabeau. Donc l'articulation aussi, donc route de Montabeau, route de Baduel. Et puis on a toujours cet espace, voilà, qui demeure pour l'instant vide, avec pas mal de savanes noyées. Une carte qui est exactement de la même époque, mais un tout petit peu plus détaillée. Donc il montre le cimetière, le camp Saint-Denis qui commence à s'étendre, puisque les terrains du camp Saint-Denis allaient, jusqu'à Faubourg d'Abri, Mango quasiment. Un petit détail, voilà pour vous montrer, en fait il va y avoir deux parties. Une partie, donc la rive droite du canal d'Ossa, va être dévolue à des équipements publics, donc le cimetière, le camp Saint-Denis, et puis même jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui il y a les établissements scolaires, les services municipaux, etc. Et la partie, donc la rive gauche, elle va être dévolue à des concessionnaires privés et à des activités privées. On avance dans le temps, les années 1870. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à l'ingénieur Lalouette qui a fait venir l'eau à Cayenne en 1867 depuis l'Eurorota. Et l'ingénieur Lalouette, comme tout bon ingénieur, et il ne fait pas que de l'adduction d'eau, il produit aussi des plans, il participe à l'extension de la voirie, il fait différents travaux. Donc là, c'était aussi un petit clin d'œil pour le boulevard, aujourd'hui Mandela, qui s'aménage petit à petit, c'est-à-dire qu'il naît dans les années 1820, et petit à petit, il est tracé, il y a des expropriations, et il est percé jusqu'à la mer. Là, je vous ai mis, c'est un très beau plan, mais qui est très long. Donc là, je vous ai mis juste le croisement avec la chaussée du canal d'Ossa. Donc on est au début du boulevard Jubelin, avec le cimetière qui se trouve ici. Mais pour vous montrer, là, en 1872, que l'urbanisme là, se précise de plus en plus au niveau de la ville de Cayenne. 1876, date très importante pour l'histoire de la commune de Cayenne. C'est la définition du territoire communal de façon définitive. Donc 1876, c'est une date à retenir. Auparavant, la ville de Cayenne, c'est Canal d'Ossa, boulevard Jubelin. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle le quartier de l'île de Cayenne. Donc aujourd'hui, en partie commune de Cayenne, en partie commune de Régnier-Montjoly, au niveau administratif. Et en 1876, le gouverneur décrète un changement du territoire de la commune de Cayenne du territoire communal qui s'est très élargi, qui a gagné donc sur le sud, qui a gagné sur l'est, et qui ne peut pas demeurer, imaginez le chef-lieu d'une colonie, à juste ce petit cette petite enclave boulevard Jubelin Canal d'Ossa. Et donc, il va déterminer délimiter la commune de Cayenne telle que c'est aujourd'hui, donc avec la Crique Fouillée, les Maringouins, Cabassou, la montagne du Tigre et jusqu'à Bourdin. Donc on est vraiment dans les limites actuelles. On remarque que donc le canal d'Ossa, la Fourche, route de Montabeau, route de Baduel, avec déjà les premiers ronds-points, tout est en place. Tout est en place pour la structuration de la partie sud-est de la banlieue de Cayenne. Ça, c'est un très beau plan de l'arpenteur Eutrope, Ludovic Eutrope, de 1878. Il est important parce qu'il permet de faire le lien et d'avoir une photographie des différentes propriétés privées donc, qui se trouvent sur la rive gauche du canal d'Ossa, avec, vous voyez, différentes zones qui sont colorées, donc en rose, en jaune, en bleu, et qui correspondent en fait à différentes concessions qui ont été attribuées à partir des années 1842. Vous avez vu sur les précédents plans qu'il n'y avait pas grand-chose, mais voire même rien du tout dans ce secteur-là, mais à partir de 1842, l'administration coloniale engage le développement de ce secteur. Et en 1842, par le biais des enchères, plusieurs terrains vont être concédés à différents propriétaires. Alors ces propriétaires, évidemment, ont un certain nombre d'idées en tête. Ce sont des négociants, essentiellement, qui pensent pouvoir développer un certain nombre d'activités agricoles ou d'agrotransformation. Et donc vous avez différents domaines qui vont avoir une évolution un petit peu différente et je vous avouerai que c'est assez compliqué à suivre, donc je vais vous passer les détails. Donc un certain nombre de propriétaires voilà, qui par habitation jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Et en tout cas, on a quelques ensembles dont certains ont laissé des traces dans l'urbanisme actuel. C'est la partie un petit peu résiliente de cette époque. Vous avez par exemple ici et là des limites parcellaires ou des chemins qui sont actuellement encore empruntés par des. D'ailleurs, en fait, il suffit de superposer les plans anciens sur le cadastre actuel. Et voilà, donc si on veut aller au totem actuellement, voilà, on emprunte cette rue-là. Donc il y a des choses qui sont restées, d'autres qui ont été abandonnées. Le canal d'Ossa, avec sa courbe, et puis son point d'interrogation qui continue. Vous avez le camp Saint-Denis, le cimetière, l'habitation Les Îles et Malouin, la route de la Madeleine, ici, qui se devine. Aujourd'hui, la route avec le rond-point du boulevard Jublin, elle passe comme ça, ici elle rejoint, après cette route-là primitive. Et vous avez donc une habitation qui s'appelle la Résignation, une habitation qui s'appelle le Chalet, une qui s'appelle l'Abri, donc vous voyez l'origine du faubourg l'Abri, une qui s'appelle la Solitude, et puis une autre qui va s'appeler l'habitation Beau Ménage. Bon, ces habitations ont changé un peu de nom, il y a même parfois des erreurs dans les actes ou dans les plans d'arpenteurs. C'est un petit peu compliqué, mais on arrive quand même à s'y retrouver un petit peu. Voilà, un petit détail. Et voilà, la partie qui va surtout nous intéresser par rapport au totem et par rapport aux machines, c'est cette partie-là, où vous voyez donc une enclave dans cette habitation Le Chalet. Donc la cité Médan se trouve à peu près à ce niveau-là aujourd'hui. Et dans ce rectangle-là, qui fait à peu près 2 hectares, vous avez donc, si on lit bien, une usine à Roku. Alors l'un des propriétaires qui obtient cette concession, c'était un certain Flotte, Urbain David Flotte, c'était un négociant, et il va créer, à la fin des années 1850, une usine à Roku. Donc pour produire cette plante quintorial, il va, à la manière un petit peu de ce qu'on en pouvait faire pour le sucre, créer carrément une usine spécifique pour générer ce colorant qui à l'époque est un colorant vestimentaire et pas encore alimentaire. Alors sur cette usine, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas si elle a vraiment marché, en tout cas il a fait l'investissement, ça c'est sûr, on a une liste un peu de machines à vapeur, voilà, mais bon, on a une petite description, on sait qu'il y avait 3 hangars, 2 machines, 2 machines à vapeur, mais on n'en sait pour l'instant pas beaucoup plus. Alors, 1876, là, on change un petit peu de perspective. On se retrouve avec toujours notre point d'interrogation ici, le camp Saint-Denis, la route de Baduel. Et là, c'est juste pour vous montrer le système de parcellisation à des privés se fait à ce moment-là. Sur cette partie-là, l'habitation Baduel cesse d'être publique et elle est complètement parcellisée et offerte par tranche de quelques hectares à différents propriétaires privés. Vous avez la canalisation d'une partie du réseau de la Crique Montabeau, le pont de la Crique Montabeau, le triangle Rebar, qui appartenait à cette époque-là au maire de Cayenne qui s'appelait Achille Houry. Voilà, donc un certain nombre d'acteurs qui commencent à développer des activités. Donc quelques petits documents, des plans, autres plans pour vous montrer en fait que c'est un peu un travail de fourmi d'arriver à reconstituer un petit peu l'histoire de ce foncier. Donc la famille Gracien au niveau de la sécurité sociale, si je ne me trompe pas. pareil, voilà, la cité, voilà, le terrain de la famille Mango, d'où le nom qui est resté, donc c'était un monsieur Mango, qui a transmis après à ses filles qui s'appelaient Mango, et ainsi de suite. Bon, ce qui est intéressant au niveau des toponymes, c'est de connaître l'origine, et c'est d'arriver à les comprendre, mais par contre, pourquoi ils sont restés, voilà, pourquoi plutôt certains que d'autres, ça, voilà, on n'a pas la réponse. Voilà, l'habitation Beauménage, donc, que j'ai cité tout à l'heure, l'habitation L'Ermitage, qui s'appelle aussi La Solitude, bon voilà, après, voilà, c'est pour vous. Ce sont des exemples simplement pour vous évoquer aussi les problèmes de recherche. C'est-à-dire qu'après, quand on arrive à tomber sur des actes notariés qui correspondent à ce secteur, des fois on s'y perd parce qu'on n'arrive plus à retrouver, voilà, en termes de nom, de propriétaire. Voilà, là ça appartient à la veuve Pigevin. On retourne donc sur notre habitation Le Chalet avec notre usine flotte de Roucou. Voilà, cette usine, en fait, elle appartient à M. Flotte, mais elle va être achetée à la mort de Flotte par un certain Hippolyte Rosette. Hippolyte Rosette, c'est un Cayennais qui est maître tonnelier et qui va développer beaucoup d'autres activités économiques. Il va travailler dans tout ce qui est technique. Donc, il va avoir une société de dresserie, il va créer une des premières glacières. D'autres associés, et il va donc, en rachetant l'usine de Flotte, il va laisser tomber complètement le Roucou et il va la transformer en briqueterie à partir des années vraisemblablement 1883-1884, et cette briqueterie va surtout fonctionner à partir des années 1890-1900. C'est là où elle va produire énormément. Ce sont ces fameuses briques qui sont estampillés HR, Hippolyte Rosette, que l'on trouve très fréquemment dans les constructions, dans les maisons créoles de Cayenne, mais aussi ailleurs. Alors, une série de clichés pour vous montrer que le site, donc en 2009, donc il y a une dizaine d'années, quand les pelleteuses sont passées pour enlever un petit peu d'habitat illégal, et donc l'opération de résorption de l'habitat insalubre ne date pas d'hier, parce que ça date déjà des tout début des années 90, 1991 de mémoire pour la délibération de la commune de Cayenne. Donc voilà, mais ça a rebondi comme ça, et encore dernièrement, il y a eu encore des coups de pelleteuse. Mais là, ils ont tapé carrément sur le site même de l'époque, donc qui était complètement abandonné, sauf que vous voyez, voilà, sans être forcément des spécialistes du patrimoine ou des archéologues, vous voyez qu'il y a un certain nombre de matériaux de construction et des machines à vapeur que l'on devine ici, qui ont été un petit peu chamboulées. Voilà, donc après on pose, je pense après avoir mis les coups de pelleteuse, on pose le panneau qui va bien. Les machines. Alors le problème, c'est que ces machines, en fait, la briqueterie, donc on a d'abord une usine à recours, ensuite on a une briqueterie, ensuite ce site va développer d'autres activités, comme souvent ce genre de site. Donc il va y avoir aussi de la distillerie, il va y avoir une forge, une scierie. Donc au final, à quoi correspondent ces machines? Bon, c'est un peu difficile à dire, surtout que tout a été bougé. En tout cas, ce sont des machines, en tout cas celle-ci, machines à vapeur plutôt anciennes. Mais après, voilà. Et en plus, ce genre d'usine avait aussi la fâcheuse habitude de récupérer un certain nombre de machines qui traînaient à droite à gauche, ce qui fait qu'au final, bon, on ne sait plus trop à quoi correspondent les machines qui sont restés. Donc briques, voilà, on en voit voilà, qui jonchent le sol. Fameuse brique HR, Hippolyte Rosette. Hippolyte Rosette, il meurt en 1918. Voilà, quelques avis qui sont parus dans la presse officielle, avis publicitaires. Donc le public, par exemple celle-ci, voilà, le public est informé qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques, à une date qui sera clairement fixée, de voilà, une série de machines. Donc c'est ce que je vous disais, il y a tout un trafic de machines qui s'opère avec le temps. À un moment donné, Hippolyte Rosette souhaite quitter la Guyane, et donc du coup il propose à bail ou à vendre la briqueterie. On est dans début des années 1890. finalement, il ne part pas, il ne vend pas. Et donc, il propose donc, à nouveau des avis publicitaires, donc sur les débuts des années 1902-1904, où voilà, il s'adresse au public et il dit voilà, qu'il a un certain nombre de briques à vendre et qu'on peut se présenter donc à l'usine et que surtout, il faut payer comptant les briques. Mais ce qui est intéressant sur ces petits avis, c'est le nombre de briques qui sont proposées à un instant T. Ça donne quand même une idée voilà, de la capacité de l'usine. En 1918, je disais, Hippolyte Rosette meurt, et donc la propriété est mise en vente aux enchères, donc annoncée par le notaire Ernest Prévost, le grand-père du notaire Lucien Prévost actuel. Et donc on a l'habitation, voilà, dite le chalet, qui comprend, je vous disais, voilà, une briqueterie avec matériel complet, mais aussi un atelier de forge, des machines, des chaudières, des machines types. Voilà, c'est un ensemble assez hétéroclite. Hippolyte Rosette est aussi le propriétaire de l'habitation La Madeleine, très grande habitation qui va du quartier du village chinois jusqu'au Maringouin. Son fils, c'est lui qui rachète, donc qui s'appelle Gaston Rosette, et la production reprend, en tout cas on a des avis dans la presse, dans les années 1925, 26, 27 à peu près. Donc là il est associé à Paul Clerc, un autre entrepreneur industriel de l'époque, et à nouveau, voilà, des briques pleines, des briques creuses, proposées par l'usine Rosette, avec voilà, un certain nombre d'informations pour pouvoir commander et acheter des briques bien cuites de la fabrication Rosette. Alors, notre fameux AZ. Eh bien, Gaston Rosette revend la briqueterie à un certain Amélius Zilla. Amélius Zilla, ou N. Zilla, donc, qui a laissé son empreinte sur toutes les briques, AZ, c'est le fils de Jean Zilla, ou N. Zilla, qui est né au Marin, en Martinique, et qui est venu faire le chercheur d'or en Guyane. Il est mort en 1919 à Mana. Et son fils, donc, Amélius Zilla, va acheter donc, en 1934 la briqueterie. Et c'est à partir de ce moment-là que les briques vont être estampillées AZ. Mais finalement, voilà, ce n'est qu'un successeur déjà de deux briquetiers. La briqueterie donc, apparaît sur les premiers plans, les premières cartes cadastrales de Cayenne. Donc vous la voyez ici signalée. On en sait, voilà, on n'a pas de détails véritablement sur le contenu. En tout cas, elle est déjà au moins référencée cartographiquement, c'est déjà ça. Voilà, l'importance de garder, de conserver quelques archives privées quand on est entrepreneur ou président d'association. Voilà, ça. Le nom, les documents, voilà, c'est une très très modeste petite facture. Qui date de 1936, qui a été retrouvé, bon, je ne sais même pas où se trouve le document original, mais en tout cas qui a été photographié il y a déjà plus de 20 ans, et qui pour l'instant la seule trace de l'activité d'entrepreneur de M. Zilla. Et donc vous voyez dans tête, établissement Rosette, un Amélius Zilla, successeur, et donc une vente de briques creuses à un certain Octaville. Le premier matrice cadastrale de Cayenne, donc dans les années, fin des années 70, 1970, vous avez donc le hangar, un grand hangar, avec voilà, sans doute plein de choses intéressantes sous dessous, mais on ne saura malheureusement sans doute jamais le détail exact. Alors, il n'y a pas que les activités de briqueterie au niveau de ce secteur de la banlieue sud-est de Cayenne. Il y a toute une série d'activités autres, donc liées, voilà, toujours pas liées à une certaine technicité. En fait, la banlieue sud-est de Cayenne a hébergé, accueilli beaucoup d'activités. C'était la zone industrielle de l'époque. Rappelez-vous, il y a le canal de Seine, donc qui permettait d'acheminer un certain nombre de matériaux, de personnes, et dans le sens inverse, d'en faire partir. Et donc, à proximité donc, de la cité aujourd'hui Médan, donc au niveau de ce qui est aujourd'hui la cité Mirza, la cité Césaire, vous aviez des terrains qui n'étaient absolument pas lotis à l'époque, donc pas du tout de cité pavillonnaire comme on les connaît aujourd'hui, mais des grandes terres défrichées qui permettaient de recevoir les résidus des vidanges. Les vidanges, donc, ils sont illustrés ici par deux bagnards avec une fameuse tinette en bois donc, qui permettait de récolter donc, de maison en maison les déjections humaines. Et c'est important parce que ça vous montre un petit peu quand même, ça vous donne une idée de ce qui se passait dans ce secteur, des types d'activités, des types de véhicules qui pouvaient passer à certaines heures. Et les vidanges, donc vous en avez, donc ça se faisait souvent de nuit ou au petit matin, et donc les bagnards qui étaient alloués en corvée donc aux entrepreneurs de vidanges, aller de maison en maison, récupérer les tinettes, et comme ça, chaque jour, ou de façon très régulière, enlevait les déjections des maisons pour les épandre sur des terrains sur lesquels on cultivait aussi de l'herbe pour le bétail. Donc voilà, c'était un cercle un petit peu vertueux. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet. Mais ce document est très intéressant, il date de 1920, c'est un acte passé chez le notaire, c'est un peu une sorte de petit syndicat qui se crée des entrepreneurs de vidange, avec un certain nombre de noms, donc la famille Waldeck, Rosette encore, Thébia, Thémis Thébia, et Édouard Anatole, des noms qui sont restés en termes de noms de lieux. Donc tous ces gens-là avaient leur entreprise, leur matériel, leurs ânes, leurs mules, leurs charrettes, leurs centaines de tinettes à disposition. Le terminus de ces opérations, c'était ces zones, en remontant un petit peu la route de la Madeleine, juste derrière, au niveau de la cité Césaire aujourd'hui, la cité Mirza, des champs, d'épandage de... des déchets de la ville. Alors pour changer, pour changer un petit peu l'odeur ambiante, si je puis dire, donc après les vidanges, comme en termes d'activité, vous aviez, et en plus des briqueteries, vous aviez une série de distilleries. Distillerie pour le tafia, distillerie pour le bois de rose. Alors, là, c'est pareil, je ne vais pas m'étendre sur toutes ces distilleries, mais la briqueterie, donc notre point de référence, qui est la briqueterie Zila, Rosette Zila, est ici. Et vous voyez toutes les étoiles vertes, ce sont des distilleries qui fonctionnent dans les années 1900-1920. Donc, imaginez aujourd'hui le Cayenne avec des distilleries de rhum et de bois de rose. Voilà vraiment aux portes de la ville. C'est pour, encore une fois, souligner le fait que ce secteur-là était la zone industrielle de Cayenne. Donc avec notamment ici l'angle du boulevard Mandela et du canal Lossa, avec quatre distilleries, et notamment les premières distilleries de bois de rose de Guyane 1902-1904. Plus d'autres briqueteries, je ne les ai pas mentionnées, mais vous aviez d'autres briqueteries ici. Vous en aviez une ici, une là. Donc il y a d'autres types d'activités, plus les glacières, donc production de glace, de glaçons. D'autres activités artisanales et commerciales. Nous arrivons dans les années 50. Le Cayenne pavillonnaire, le Cayenne populaire apparaît. Une fois passée la départementalisation, la Seconde Guerre mondiale, il y a un très grand besoin de logement. Et c'est là que, du coup, ces terrains du sud-est de la banlieue de Cayenne vont commencer à émerger. Mais du coup, voilà, Médan. Que viennent faire les Médan dans cette histoire? Vous vous rappelez, on était sur l'habitation Le Chalet, avec différents propriétaires, Flotte, Rosette, etc. Et par un jeu très très savant de succession, c'est la famille Médan, une certaine Joséphine Médan, qui va eh bien, hériter de la, l'habitation Le Chalet. Alors, pas la partie usine, hein, pas la petite enclave, mais tout le reste. Donc, c'est par le jet de succession, donc c'est assez compliqué. Et en fait, elle est héritée d'un certain Alexandre Pouget, qui était lui-même le propriétaire de l'habitation Les Îles et Malouins, donc l'ancêtre du quartier chinois. Il va, pour une raison inconnue, lui donner par testament donc, ce terrain-là. Et Joséphine Médan, elle va avoir deux enfants, en tout cas, qui sont importants dans cette histoire. C'est Antoine Médan, qui va devenir ingénieur des travaux publics et qui sera même aussi arpenteur en Guyane, et puis qui aura une brillante carrière en métropole. Il sera fait d'ailleurs officier de chevalier puis officier de la Légion d'honneur. Et vous avez sa fille, Bertille Médan, qui va... elle-même héritée de l'habitation. Et vous allez savoir un instant pourquoi. Je vais vous lire en fait ce que sa mère a écrit, a demandé au notaire de préciser dans l'acte. En 1912, mon fils Antoine Médan, alors à Cayenne, eut besoin d'argent. Pour lui venir en aide, je souscrivis par acte de maître Rongeon, notaire à Cayenne, en date du 5 août 1912, une obligation de 500 francs au profit de Madame Herminie Pierceau, sans profession, veuve de Jean-Marie. La dite somme stipulée paya dans un délai de 6 mois. Cette somme de 500 francs fut mise par moi à la disposition de mon fils. À la date du 29 décembre 1915, Maître Rongeon m'invita à régler mon obligation. Mon fils était mobilisé à ce moment. N'ayant pas d'argent disponible pour payer la dette contractée pour son compte et dont il m'avait promis le remboursement, je demandais à sa sœur, ma fille Bertille Médan, plus connue sous le prénom de Pauline, et obtint d'elle de vendre à M. Luc Despointes, le 28 janvier 1915, pour le prix de 5000 francs, une maison qu'elle possédait à Cayenne, rue Voltaire, numéro 1. La maison vendue, ma fille me remit les 5000 francs, je versai à Maître Rongeon le 22 février suivant la somme de 687,50 francs, montant en principal et intérêt de la dite obligation. Je conservais par-devers moi le solde des 5000 francs et les dépensais au fur et à mesure de mes besoins, etc. Voilà, c'est un petit témoignage assez touchant, personnel, que l'on a rarement dans les actes notariés qui sont plutôt assez secs. Mais voilà, c'était pour vous évoquer cette famille qui après vendre le terrain sur lequel va être construit donc les différents logements sociaux que l'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est là qu'on s'approche de la fin. Donc, on est dans les années 1950, 60, 70. Ça, ce sont les premiers plans cadastraux de Cayenne, donc 1978, avec voilà, les différents secteurs, les différentes sections cadastrales. Donc, vous reconnaissez EDF, les tours Floralie, Saint-Louis-Mirza. Ici, on est sur le haut au sud de la cité Médan. Et puis, voilà ce qui est devenu un petit peu une partie de l'habitation Le Chalet, le faubourg L'Abri, la Solitude, les anciennes habitations. Et puis voilà, donc pour finir, quelques petites photos pour vous montrer l'importance de conserver un certain nombre de témoignages, notamment photographiques. Parfois, ils ne sont pas très nombreux, mais il suffit d'une bonne photo pour nous ravir. Les photos que vous allez voir, ce sont des photos que j'ai retrouvées dans les archives du diocèse, parfois qui n'ont pas de rapport avec une construction d'église. Mais en tout cas, là, c'est l'église Saint-Louis de Mirza. de la maquette, construite par le même architecte qui a édifié l'église de Saül. La petite chapelle Saint-Joseph dans la cité Enzila, qui aujourd'hui, à l'époque, elle vient, c'est des photos de 1958 de Monsieur Servin. Et donc le bâtiment vient juste d'être construit. Petite chapelle qui vous montre aussi voilà, qu'il y a d'autres activités qui se développent au niveau des cités populaires. Aujourd'hui, le bâtiment n'a plus tout à fait le même visage, un petit peu délabré, un peu abandonné, scellé. Et voilà, il y a deux photos tout à fait intéressantes vues de haut, qui vous montrent voilà, l'urbanisation galopante de ce secteur, avec le percement voilà, de l'allongement du boulevard Mandela, l'ancienne habitation La Résignation, les premiers logements sociaux qui sont en cours les premières barres qui sont en cours de construction, l'église Saint-Louis. Nous n'avons pas encore le siège social de l'EDF. Et voilà, cette très belle photo avec on voit encore le hangar là, de la briqueterie Enzila ici, encore protégé par dans un niveau forestier. Et puis voilà, les barres en cours de construction avec les grues. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Monsieur Sarge, je veux remercier Christian Sarge pour cette conférence parce que quand il a accepté de le faire, je sais que depuis, il a consigné toutes ces informations soigneusement organisées. Je crois que vous avez assisté à un exposé qui est assez inédit, en fait. Je crois que ces sujets n'ont pas été abordés sous cette forme, dans aucun autre contexte. Donc, je voulais vraiment remercier Kristen pour avoir réalisé ce travail dans les deux derniers mois, qui étaient ses congés, je crois. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sarge. Mais il nous a emmenés, finalement, aux années 75, c'est bien ça? Les premières barres d'immeubles, oui. Premier logement social. Malgré moi, j'ai dit que je m'arrêtais avant, mais c'était pour n'a pas résisté. Amorcer le... Et donc il y a une tradition au Café des Sciences, désormais nous allons on joue notre dernière carte, hein, vous avez compris que c'était le thème, interro. Donc avant la séance de questions, il faut avoir le droit d'en poser, les grandes dates qui ont retenu votre attention. 1820, 1763, 1876, le territoire communal. Ah ah ! Non, on n'est pas à l'école. Et donc tout est là, c'est l'idée que maintenant... Dans un échange avec Christophe, qui a sans doute nous a encore gardé quelques secrets, la parole est au public pour lui poser des questions, qu'elles soient anecdotiques ou générales sur tout ce que vous avez vu. Et on vous invitera à prolonger ces échanges en venant dans le quartier, comme on vous le disait, pour l'histoire un petit peu plus contemporaine de ce qu'est ce quartier. C'est pas mal ça non plus. Voilà. Oui, c'est bon. Donc encore une fois, merci. Et c'est maintenant que ça commence. Messieurs, dames, je sais, la première question, c'est toujours un truc. Une main dans l'ombre. Oh oui. Est-ce que vous êtes intéressé à l'aide globale de construction ou est-ce que vous êtes intéressé plus à ce travail du PNL ? Vous êtes intéressé à l'évolution ou vous êtes intéressé plus à la forme ? Parlez bien dans le micro, parce que j'ai bien compris le début. Alors, excusez-moi. Alors, en fait, pourquoi vous vous êtes juste intéressé à la construction de la ville et pas au style des bâtiments ? En fait, pourquoi vous avez vu juste une part sur la construction de la ville ? Alors, pour deux raisons. La première, c'est qu'avant d'avoir de parler du style des constructions, il faut déjà poser le cadre et comprendre l'évolution de ce territoire, comment il émerge en fait d'un milieu naturel. Et puis la partie architecturale m'intéresse tout autant, de même que la partie humaine ici. Mais la partie architecturale, voilà, j'avais des éléments que j'aurais pu vous présenter ce soir, notamment sur le style notamment ce qui concerne l'architecture moderniste, donc qui se développe à partir des années 50. Et là, en fait, finalement, j'ai décidé d'arrêter avant. Donc c'était peut-être une pirouette de ma part. Avant les années 50, dans cette partie-là, on a vraiment très peu d'éléments sur le style des constructions. Déjà, il y en a très peu. Après, j'ai un certain nombre de détails sur, par exemple, les maisons de maître, les quelques établissements, les quelques infrastructures agricoles ou techniques. Mais bon, c'est quand même assez anecdotique. Le gros de l'architecture, c'est à partir des années 50. Et là, ça nous emmène voilà, dans une autre dimension, dans une autre thématique qui est tout aussi intéressante, hein, je vous l'accorde. Et d'ailleurs, à ce sujet, une autre date très importante à retenir pour la future question quiz de l'idée, c'est 1952, c'est la mise en place des permis de construire en Guyane. Avant, il n'y a pas d'obligation de permis de construire, et donc les premiers architectes, en tant que tels, c'est à partir voilà, des années 1950, 51, 52. Premier architecte départemental, 1951. Premier permis de construire, 1952. Et c'est à partir de là qu'on a une documentation d'archivant. Auparavant, on a extrêmement peu d'éléments sur les différents types de construction, à part les actes notariés que j'ai cités tout à l'heure. Et on a au niveau de l'inventaire du patrimoine, on a une enquête en cours sur l'architecture moderniste donc des années 50-60. Voilà, mais c'est un ensemble de construction qui est énorme, c'est plusieurs milliers d'édifices, et voilà, ça demande du temps, ça fait quelques années qu'on est dessus, et voilà, donc ce sera peut-être pour d'autres interventions. Merci pour cette question, je l'avais dans ma gauche. C'est bien, un doigt levé. Bonsoir. Juste pour l'anecdote, peut-être que vous savez déjà, mais c'est ça, ici nous sommes, ce bâtiment appartenait à la maison à M. Rosé. Voilà, il y a beaucoup de c'est juste pour l'anecdote. Merci pour cette information. Appartenait donc à la famille de M. Rosé. Rosé. N'ayant mal entendu. Les mains se mettent à droite, à gauche, devant. Une forêt de bois. Voilà. Oui. Est-ce que tu sais comment s'est fait la parcellisation? Est-ce que c'est comme un remir où il y a eu des lots qui ont été octroyés à la demande, ou est-ce qu'il y a eu une vraie parcellisation à la vente ou aux enchères comme on peut voir ailleurs? C'est une vente par acte administratif dans 1842 pour le secteur de Chalais. Je n'ai pas encore les détails. Je sais où les trouver, mais j'ai pas encore eu le temps de les récupérer. Et on est sur plutôt une vente aux enchères. Dans l'autre sens, j'avais des mains dans cette zone. Monsieur, c'était vous? Non. C'était vous. Vous connaissez. Pas tous les gens. Bon, enfin là, ça tient plus de l'anecdote aussi. Vous aviez abordé tout à l'heure, c'est ça, les bagnards qui faisaient les services de vidange. Donc, je vais dire de ma grand-mère, ça perdurait un peu, même dans les années 60-70, où il y avait un camion qui faisait le ramassage faisait la vidange dans les rues de Cayenne. D'accord. Et je crois que tout à l'égout commence à être installé à Cayenne dans les années, ben justement, 60-70, quelque chose comme ça. Vous avez parlé des canons, enfin, du canal d'abord qui a contribué à structurer la ville. C'était quoi son utilité en fait, ce canal? le premier canal, donc en tout cas qui est plutôt un moignon de canal, qui est le canal Sartine, qui n'a pas été très loin dans la ville, et le canal Lossa qui lui a été aménagé sur une longueur beaucoup plus importante, en fait avait pour vocation de dessécher des terrains qui étaient de façon très régulière noyés sous l'eau, et donc pour pouvoir développer la ville. Puisqu'en fait la ville était coincée entre des zones, que ce soit à l'est ou au sud, avec des zones qui étaient qu'on qualifiait de terre basse, voire même qui étaient en dessous du niveau de la mer. D'ailleurs c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, quand il y a de très fortes pluies et des marées importantes, et il y a des zones du village chinois qui sont sous l'eau. Ça démontre encore, malgré le rehaussement, le système d'endiguement, etc. Et le canal Lossa avait pour vocation, dès qu'il y avait des fortes pluies, des grosses marées, de pouvoir drainer les eaux, et aussi de pouvoir de permettre aux habitants de rentrer dans la ville. Donc le canal Lossa, le canal Sartine et le canal Lossa, c'était la voie, une des voies principales d'arrivée pour les négociants, pour les marchandises. C'est pour ça que encore aujourd'hui, quand vous regardez au niveau du marché les maisons anciennes, vous avez des grandes portes qui s'ouvraient à l'époque sur le canal Sartine, et puis côté canal de ça, c'est pareil. Et ici, on est au café de la gare, mais est-ce qu'il y a eu une gare ici? Enfin, est-ce qu'il y a eu un réseau ferré et jusqu'à quand? Et pourquoi est-ce que c'est arrêté? Alors, deux réseaux ferrés, il y en a eu, il y a eu du chemin de fer, pas public, mais lié aux activités orifères et forestières. Donc, ce sont des petites voies qu'on appelle de Coville, et qui permettaient à des wagonnets d'apporter du matériel, des denrées, et de faire repartir un certain nombre de productions. Voilà. Et c'est des petits tronçons qui ont été construits. Alors, il y en a des plus grands qui ont été aménagés aussi par le BAN, du côté de Saint-Laurent, sur les communes de Manas, Saint-Laurent, et donc Saint-Jean, Saint-Laurent et le secteur de Charvin. Et c'est sans doute peut-être les plus grands tronçons de chemin de fer qui sont construits en Guyane. Je ne résiste pas. Maintenant, sans savoir que récemment, on avait eu la chance d'accueillir M. Armand Hubert, et beaucoup l'en est en Guyane. De mer en Méditerranée, le dernier qui a fait des sciences sur l'électrification, c'est une histoire en Guyane. Il a aussi évoqué des aspects de l'urbanisation de Cayenne. Je vous invite à venir découvrir votre thème. Alors d'abord, vous découvrez sans doute peut-être la plus longue voie ferrée finalement, celle de Vin des Anamites, 32 ou 47 km. On ne sait plus. C'est dans notre exposition de Néotopène. Et l'origine du peuplement du village dit chinois, plutôt indo-chinois de Cayenne, qui finalement trouve ses origines dans le bagne des Anamites du Saut-Tigre, méconnu sur le site actuellement inondé de depuis un peu néo-totem, quoi. Et donc, je passe la parole pour la question suivante. Et certains podcasts, peut-être, sont consultables, parce que les histoires racontées par M. Hubert et celles de M. Sarge se croisent, finalement, sans trop mal, pour créer l'histoire intéressante. Bonsoir, j'aurais en fait deux questions. La première, où se situait précisément la maison du roi, qu'est-ce qu'elle est devenue? Et puis, une question plus complète, dans l'évolution de la ville de Cayenne et du quartier populaire, il y a aussi donc la grande cité Zéphyr qui a été construite. Comment c'est organiser l'avènement de la Zéphyr par rapport justement au développement des quartiers sud-est de Cayenne par rapport à Médan notamment? Alors, pour la première question concernant l'habitation du roi, donc elle se trouve actuellement un petit peu avant le rond-point du Grand Saint-Denis, donc dans au niveau à peu près c'est Orange, je crois, et puis le Grand Saint-Denis. Donc à peu près à ce niveau-là. Bon, évidemment, l'habitation, c'est un domaine, hein, donc il faut l'envisager de façon un petit peu plus importante, mais disons que la partie principale de l'établissement devrait se trouver au niveau de la route, à peu près juste avant le rond-point. Et concernant donc vos questions sur la cité Zéphyr, Mais en fait, la question peut être dupliquée pour à peu près beaucoup de quartiers qui sont de chaque côté de la route de Montabeau ou de Madeleine, ou de la Madeleine. En fait, ces cités ont émergé à partir des années 50, quand il y a eu un très grand besoin de logement. Et on est sur, à chaque fois sur des parcelles d'anciens domaines coloniaux qui sont revendus donc, par des propriétaires pour des opérations de logement, d'aménagement plus spécifique. Donc dans les années 50, 60, 70, voilà, c'est beaucoup de lotissements. Alors parfois des gros lotissements, parfois des petits lotissements. Et souvent c'est le nom du propriétaire qui a vendu à une société immobilière qui a laissé le nom. Et puis parfois ce sont vraiment des tout petits lotissements. Par exemple, il y a Paris, il y a la Cité Grande, de toute façon il y en a plein. Hein. Chacune mérite d'avoir sa petite étude, son historique. En tout cas pour ceux qui sont intéressés, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous lancer. Parce que parfois, effectivement, on a du mal au niveau de l'histoire de faire le lien entre le temps présent et puis un temps un petit peu plus ancien, début 20e siècle, puisque les archives ne sont pas encore totalement disponibles, où elles arrivent au fur et à mesure. Et donc voilà, tout ce qui s'est passé sur les années 50, 60, 70, on commence à avoir des archives disponibles. Aux archives territoriales, je parlais des permis de construire. Mais voilà, les questions de lotissement, c'est intéressant parce que c'est ce qui structure vraiment la ville de Cayenne essentiellement encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, une précision, où se trouvait le canal Sartine par rapport au canal de Saint ? Sartine, il se trouve, en fait, vous voyez la grande halle du marché de Cayenne. C'est à ce niveau-là que se trouvait, en fait, sur le début de l'avenue Gaston Lanerville. Vous aviez le canal Sartine à ce niveau-là. Et l'appellation chaussée Sartine, Chaussée Sartine, c'est la partie, donc c'est la berge. Du canal, c'est la rue qui longe la berge du canal, et donc c'est pareil, à l'époque on parlait aussi de la chaussée du canal de Saint, donc c'est la partie qui longe les maisons actuelles qui sont juste en face de la grande halle métallique du marché de Cayenne. Très bien. Et pour avoir vécu ma petite enfance chez ma grand-mère à la cité Anatole, effectivement, j'ai connu comme disait le monsieur, ce qu'on appelait les tinettes ou les bachés caca. Voilà. Son seau, effectivement, on allait à la pompe, au bout du chemin en terre rouge. Effectivement, vous êtes arrêté aux cités avoisinants. La cité Anatole est juste tout cela. Tout à fait, comme Magie, comme d'autres. Et d'ailleurs, je profite, vous reparlez des tinettes, mais je profite voilà de. Que nous cherchons désespérément pour les musées territoriaux une tinette voilà, d'époque, qu'elle soit en bois ou en métal, parce qu'on a des seaux, on a tout l'appareillage de maison, mais par contre il nous manque les tinettes. Voilà, ça peut faire sourire, mais voilà, actuellement il y a une exposition au musée des cultures lyonnaises de 54 Madame Vallée sur l'histoire de l'eau. Dans la ville, et en fait, on aurait bien aimé pour cette exposition justement une cinette, et donc on recherche toujours cet élément. Oui, juste autre chose, puisque je parle d'Anatole, nous ne sommes pas loin non plus de l'ancienne boulangerie. De l'ancienne boulangerie d'Anatole. 42, tout à fait. Il reste des vestiges. Hein. Et la maison qui est dans l'angle là, la grande maison créole qui tombe, malheureusement, il y a encore une maison descendante qui y habite. D'accord. Ça donc on est bien entouré. Voilà. Encore quelques questions, des interventions? Bonsoir, juste une interrogation sur. J'avais pris des notes justement des studios ce soir. L'expansion à l'est avec le gouverneur Turbo, qui était très orthogonale. Pourquoi? Eh bien, c'est pour des raisons pratiques, voilà, d'aménagement du territoire. Donc c'est un modèle aussi très très ancien, hein, qui remonte voilà, notamment à l'Antiquité. Alors je parle d'Antiquité grecque ou romaine parce que les ingénieurs qui venaient travailler en Guyane avaient cette formation-là. Et donc c'est pour des questions voilà, de construction, d'entretien, de sécurité, de gestion, de bonne gestion. C'est, voilà, ça signifie aussi que derrière, souvent quand on a ce genre de plan, ça signifie que derrière ça a été pensé et que ce n'est pas une urbanisation qui se fait au fur et à mesure. Et on voit bien d'ailleurs au niveau des cités pavillonnaires, que ce soit Faubourg Labri, Anatole, etc., on voit bien qu'il y a des axes qui sont bien rectilignes, en tout cas qui correspondent à des éléments forts d'aménagement, et puis des fois, hop, ça part, et on a des ruelles un petit peu tortueuses et des constructions un petit peu aléatoires qui se font au fur et à mesure. Donc voilà, et ce genre d'aménagement, bon, ça signifie qu'il n'y a pas eu de plan pensé, en tout cas que le plan est pensé a posteriori par rapport aux constructions pavillonnaires, alors que quand c'est bien ordonnancé, voilà, ça correspond à un plan vraiment d'urbanisme. Voilà, c'est, en tout cas, c'est, bon, ce sont des. En plus, là, à l'époque, à l'époque du gouvernement Turgot, vous aviez beaucoup de maisons donc, en bois, torchis. La brique n'avait pas encore été. N'était pas encore imposé comme matériau important dans les constructions. Régulièrement des incendies, des maisons très rapprochées. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a eu dans les éléments de réflexion le souhait de pouvoir ordonnancer et élargir, constituer des parcelles, des lots qui après pouvaient être facilement découpés pour des propriétaires privés. Oui, encore lors de mes recherches, j'ai permis à m'intéresser à la toponymie des noms de la ville de Cayenne. Comme on parle du canal d'Ossa et de la Séchouan, je me suis rendu compte que ma grand-mère était née rue de Tancy, qui est actuellement rue de Tambéterre, mais qui s'appelait auparavant rue des Marais. Donc ça porte bien son nom, puisque l'an dernier, encore, une orthophoniste a eu son lieu de travail sous les eaux. Donc voilà, l'aménagement. Il y a encore des choses à revoir. Et toujours par rapport à la toponymie du nom, l'autre membre de ma famille est né de l'autre côté du pont, qui était inauguré il y a quelques années par le président de la CTG et l'ex-maire de Mérès-Bécaillère. Et ça s'appelait donc le pont des soupirs. Et derrière, c'est donc la rue des soupirs. Et ça provient son nom, les soupirs, donc le quartier un peu des Paris, des péripatisiers. Voilà. Alors, je n'ai pas entendu sur des archives sur. Sur les passages du roi à Cayenne. Et est-ce qu'il venait souvent et qu'est-ce qu'il faisait lors de ces passages du roi? Qu'est-ce que vous appelez le passage du roi? Vous avez dit qu'il avait une résidence ici, donc est-ce qu'il est Habitation, non. Tout ce qui est appelé du roi, habitation du roi, chemin du roi, en fait, ça signifie, aujourd'hui, on le traduirait, si je puis dire, par public. En fait, ça relève de l'administration publique. De manière, comment à l'époque, on est sous un. Le territoire est dirigé par un roi, donc du coup ça s'appelle royal, du roi, mais après, quand on change de régime, les chemins, les habitations vont s'appeler impérial, domanial, etc. Donc le roi ne devait pas être. Non, aucun roi n'est jamais venu en Guyane. Et aucun ministre non plus de cette époque. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai ne l'ai pas vu sur la carte, mais il y avait un port. Un port. Oui, au niveau de. Voilà. Le port se trouve là. Vous avez une jetée et puis l'entrée du canal d'Ossa. C'est la porte d'entrée de la Guyane à l'époque. Hein. Merci. Bonjour, ben, merci en tout cas pour cette belle conférence. Ce que je voulais savoir, c'est du coup ce qu'on appelle la CRIC maintenant, donc le port de Cayenne. C'est à peu près en quelle année que ça s'est vraiment développé et construit? Est-ce que vous savez à peu près quand est-ce que les pêcheurs ont commencé à débarquer leurs poissons à la CRIC à droite du canal de Sade? Oui, donc dans cette partie-là. En fait, là on est en 1876, vous voyez un petit peu le niveau d'urbanisation. Donc on est limité aux deux rues parallèles au canal d'Ossa. Il faut vraiment attendre la toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle, pour vraiment qu'il y ait un début d'activité assez importante dans ce secteur-là. Le canal d'Ossa, lui, il a toujours servi de lieu d'arrivée et d'échange pour le commerce. Donc vous aviez, par exemple, les gens des communes qui venaient par système de cabotage depuis soit le Yapok, soit depuis l'Ouest, et donc qui venaient vendre un certain nombre de denrées agricoles, du couac, des poissons, des animaux d'élevage, etc. Et c'est là qu'arrivait aussi, par exemple, le bois, ou d'autres produits qui étaient répartis après dans les différents magasins des négociants. L'urbanisation s'est faite de façon progressive à partir de la fin du 19e siècle sur l'ancienne habitation des îles Malouins, parce qu'en fait, jusque dans les années 1880-90 et même un peu après, une partie de l'habitation est encore en main privée. Au départ, on est sur une habitation, un domaine qui est privé. Et au fur et à mesure que l'urbanisation avance, que les besoins publics se font jour, eh bien, les propriétaires, entre guillemets, lâchent du terrain. Et j'ai en mémoire, par exemple, souvenir d'un document des années 1890 où le propriétaire, la famille Pouget, cède à la commune la voirie qui délimite en fait les différents îlots que vous voyez là. Parce qu'à un moment donné, il y a une question de gestion publique. Qui va faire l'entretien, qui fait le nettoyage, etc. Tant que ça reste des voies, c'est encore aujourd'hui pareil, vrai pour des lotissements. Tant que la voie qui dessert le lotissement est privée, au bout d'un moment, ça génère des problèmes d'usage à long terme. Et donc petit à petit, voilà, ça se. Et donc, effectivement, le village chinois, constitué en partie d'un village chinois, mais pas que, hein. Donc, on sait qu'ils sont là déjà depuis la fin du 19e siècle, et puis après, ça s'accélère sur les années 1930, 40, 50, et après, avec la phase de modernisation, d'urbanisation, avec la départementalisation, les choses sont lancées. Et toutes les maisons que vous avez. Ça, c'est un bon indicateur pour rebondir sur la question tout à l'heure concernant l'architecture. Toutes les maisons que vous avez en béton armé avec des lignes très droites, des visières au niveau en vis d'auvent, donc ça, ce sont des maisons typiques des années 50. Donc ça vous donne une idée, comme ça, quand vous circulez dans Cayenne, mais vous voyez voilà, ces maisons souvent R+, R+1, voire R+2, donc avec des lignes très très droites. Donc des travées aussi des très symétriques des fenêtres, des portes très symétriques avec des battants qui sont à persienne. Et puis donc c'est surtout ces trois terrasses ou les auvents qui sont très perpendiculaires à la façade. Donc ça c'est des bâtiments des années 50-60. C'est une partie importante du patrimoine architectural de Cayenne. Même si on n'aime pas. Hein. Oui. Oui, j'habitais une dizaine d'années qu'on appelait rue Chaussée-Lossa, rive gauche, le 73. Dans une de ces maisons, effectivement, appartenant à la famille Léveillé, et qui est encore là, avec, comme vous l'écrivez, ce toit terrasse. Voilà. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'auparavant, il y avait un double canal, le canal Lossa et un autre petit canal, avant que le trottoir ne soit vraiment. En place. Donc on avait un double canal. Voilà. Alors il y a des petits canaux qui sont au niveau des trottoirs actuellement. C'est d'ailleurs quand il y a des trous dans les trottoirs de Cayenne, vous pouvez voir souvent que ça tombe assez profondément. Et en fait, ce sont des parties qui sont briquetées et qui correspondent à la réduction d'eau. Voilà, donc ça c'est les. Alors certains ont été aménagés après au fur et à mesure, ils ont été maçonnés. Et puis donc ce sont au départ de simples fossés. Et encore pas si longtemps, il y en avait qui mangeaient, il y en a encore des gens qui mangent certaines rues. Oui, parce que j'ai résidé jusque dans les années 72, voilà, et on pêchait là-dedans des petits poissons, pareil. C'est très nauséabond, enfin. Là, par exemple, un des fossés voilà, qui longe la rue d'Estrée, donc en face du cimetière, elle a été couvert en 2010, hein, un des derniers. Oui, j'ai des questions du coup pour leur alimentation du coup les gens de la ville à ce moment-là, est-ce qu'il y avait une ceinture maraîchère, est-ce qu'il y avait une zone spéciale par rapport à ce que vous nous avez montré, on sait que là ils produisaient avant l'été. Et puis aussi autre chose pour l'eau douce, du coup ils faisaient comment? Est-ce qu'ils avaient des sources aussi? Alors le marché. Alors il y avait un marché, il y a même plusieurs, à un moment donné, plusieurs petits marchés, donc il a bougé un peu de lieu. En tout cas, il y a eu un marché, ça fait longtemps qu'il y a un marché au même endroit que se trouve le marché central aujourd'hui de Cayenne. Et il n'y avait pas de. Donc hormis quelques petits vivres, quelques plantes voilà, qui pouvaient être cultivées dans les arrière-cours au niveau des maisons, en fait l'essentiel venait des plantations qui étaient sur les zones. Correspond un peu à la cité Médan, voilà, voire même beaucoup plus loin. Donc ça c'était voilà, apporté voilà, par la route ou par le canal de ça. Et concernant l'eau, donc le système d'adduction d'eau potable a été mis en place en 1867 à Cayenne. D'abord pour les édifices publics, puis après petit à petit ça s'est étendu aux maisons privées. Donc c'est l'eau qui, encore aujourd'hui, comme aujourd'hui, vient du Rhône. Et auparavant, eh bien, il y avait des puits dans la plupart des maisons et les gens allaient, pour compléter cette eau, s'approvisionner auprès de, notamment au niveau de Baduel. Donc ici, voilà, vous avez la source qui fonctionne toujours aujourd'hui, donc qui est un peu polluée, mais bon, qui à l'époque était une eau cristalline, voilà, faire parler d'eau. En tout cas, vous aviez, donc là, les gens s'approvisionnaient, quand ils avaient des gros besoins, ils venaient s'approvisionner ici, notamment les édifices, les services publics. Et il y avait des corvées d'eau, voilà, que tous les jours, on allait en charrette chercher. Là. Après, il y avait aussi des grandes jarres pour recueillir les eaux de pluie, des grandes jarres de style biote, fabriquées dans le sud-est de la France, qu'on retrouve, voilà, qui étaient les seuls. Possibilité pour s'approvisionner en eau douce. Je précise qu'à partir des années 1867, il y avait donc l'adduction d'eau, et il y a eu aussi l'aménagement de fontaines publiques. C'est un point important. Il y en avait quatre, il y en a deux qui subsistent, donc une qui est en place au niveau de la préfecture, et l'autre qui se trouve au croisement du boulevard Mandela et de l'avenue du Général de Gaulle, à côté d'un magasin qui s'appelle Carvecat. Alors ce n'est pas à la voie, c'est à l'origine, c'est une fontaine. La première qui a été mise en fonctionnement en Milan. Est-ce que vous avez une dernière question? Eh bien, on va encore remercier notre intervenant de ce soir pour cette présentation. Merci à vous. Et encore une fois, comme l'a dit notre cher conseiller, de nombreux podcasts sont disponibles, donc, notamment des podcasts sur l'histoire de l'italienne qui font écho à la présentation de ce soir. N'hésitez pas à aller regarder ça sur le site.